C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Amis pochards, bonsoir à tous et bienvenue au Titi Twister. Ce soir, les pochards du web sont de retour pour un cinquième épisode et voici la fine équipe. Après un bon moment d'absence, les pochards du web reviennent et quand il s'agit de parler d'alcool, c'est le plus rapide, c'est Quix. Salut à tous. À l'heure du Ricard, il est toujours là car il faut boire le Jonathan, c'est Onof. Un participant de dernière minute avec nous, à croire qu'il a tellement aimé la diablotine qu'il en redemande, c'est Anthony. Salut. Salut à tous. La preuve que l'alcool déforme la perception du temps, quand on lui demande une rubrique de 5 minutes, il fait 1h30, c'est Titours. Bonsoir. Un Doucet, ça va, deux Doucets, bonjour les dégâts, nous on a gardé le meilleur, c'est Arnaud Doucet. Bonsoir. Et enfin, pour succéder à DZ Rider, il reprend la direction du bar, c'est notre expert en recettes alcoolisées, c'est notre taulier, c'est Zafeu. Salut les poivrons. Voilà pour la présentation, j'espère que ça vous a plu. Ouais. Oui, excellent. Et oui, donc tout va bien Zafeu, tout va bien, pas trop de stress à reprendre cette lourde entreprise sur tes épaules. On va essayer. En tout cas, je suis prêt. Le matériel est pas au point. Moi-même, j'ai rien préparé, donc tout devrait être bon. Non, mais la technique, c'est ça qui est, tu vas voir, ça va venir. On lui a dit qu'il y avait de l'alcool, donc il est venu. Alors, Onof, je ne sais pas si tu aimes le Ricard, mais c'était pour le bon mot. Alors voilà. Est-ce que j'ai bien fait? Je ne sais pas. Regarde pas trop, mais j'ai trouvé la phrase très subtile. Ah, c'est de moi. Il va faire la gueule en régie, en aflag, mais c'est de moi, on va dire ça. Titour, c'est quoi que vous êtes des habitués, hein, vous revenez souvent, bah, Onof aussi, de toute façon, vous êtes fidèle au poste, mais Anthony, toi, t'étais là pendant Podren, c'est ça? Ouais, c'est exactement c'était ça. C'était ouais. Quelque chose de assez, Mon foie s'en souvient, ma mémoire, mon beaucoup. Expérimental. Voilà, on se rappelle de la diablotine. D'ailleurs, j'ai une bouteille entière de diablotine chez moi, j'aurais dû l'emmener. Quelle chance! Mets tout de suite ça dans un évier et jette ça très loin. Non, je vais la boire, c'est ça le pire. Et bien sûr, on a Monsieur Doucet, Arnaud. C'est la première fois que tu viens, ça va aller? C'est bon? T'es pas trop tranquille. Stressé? Non, ça va. Ouais, tout va bien se passer. Alors, avant d'aller vers le sommaire, je pense que notre nouveau taulier a quelque chose à nous dire, un petit mot concernant cette nouvelle formule, qui est pas forcément une nouvelle formule, mais quelques petits mots sur le changement de direction. Bah, en fait, l'ancien taulier a décidé de prendre quelques vacances. Et il m'a gentiment laissé les clés. Par contre, il avait vidé tous les frigos, il avait vidé tous les placards. Il va falloir qu'on refasse le plein d'alcool nous-mêmes, donc ça nous laisse pas mal de travail. Mais en tout cas, j'attends avec impatience qu'il puisse revenir. Alors justement, j'ai une petite info là-dessus. Il m'a envoyé un SMS cet après-midi. Il m'a demandé « Est-ce que vous vous enregistrez ce soir ?» Je lui ai dit oui. Je lui ai dit qu'il y avait de la place, bien sûr, hein, ce qui est toujours le bienvenu. Et il me dit qu'il reviendra peut-être pour le prochain, faire un petit coucou. Eh ben dans ce cas-là, je lui préparerai un bac à glaçons rien que pour lui. Et puis s'il veut les clés, je lui rends, hein, y a pas de souci. Oh ouais, vous... on fera une exception, on lavera un verre. C'est vos petites affaires, ça. Oui, on est en live aussi, j'avais oublié de le dire, mais on est en live sur FreshPods, sur la chatroom, il y a qui? Il y a du monde, il y a Anacolute, il y a Kaltenbrunner, je ne sais pas qui c'est ça. Personne ne connaît, non? Non, pas du tout, mais merci d'être venu. Il y a aussi Voldemort qui commence déjà à me bâcher, salaud. En même temps, tu le cherches. Alors, oui, il me cherche. Je pense qu'il m'aime pas, en fait. Pour le sommaire, on a une émission assez chargée, donc je pense qu'on va pas trop traîner. En premier, on aura Quix. De quoi tu vas nous parler? Alors, moi, je vais vous parler d'un rhum que j'ai découvert très récemment, qui est le Kraken Rhum. Oh, donc, je vais vous parler de ça. C'est un lien avec Release de Kraken ou... C'est tout à fait un lien. J'ai spoilé. Il y a un Kraken géant sur la bouteille. Alors, Onof, toi aussi, tu as un petit, grand sujet, même très philosophique, je pense. Très très philosophique, ce sera court. La façon dont l'alcool a influencé l'évolution de l'être humain. C'est bon ça, c'est très très bon. Arnaud, toi tu as un petit sujet aussi? Ouais, moi j'ai parlé du cognac, mais juste spécifiquement du cognac de chez Annecy. D'accord. Une petite recette de Zafeu pour faire digérer tout ça, un petit digestif de maître Zafeu, j'espère que t'en as des bonnes en besace. Oui, vous aurez deux petits trucs assez sympas. Donc vous verrez, le temps que je choisisse. Après, moi je ferai une petite rubrique sur les alcools étranges, vous allez voir, c'était assez marrant de faire ça, donc vous verrez bien. Et on aura aussi Titours, de quoi tu vas nous parler? Je vais parler d'un vin, le Mazamiel. Le Mazamiel, d'accord. Et Anto qui va faire une envolée lyrique à la fin. Exactement. En fait, il y a toujours un pilier de bar. Il est accroché au comptoir. On veut qu'il s'en aille, mais non, il reste à raconter sa vie. Bah, ce soir, ce sera moi. Ce sera le moment philosophie de comptoir. Quoi. Exactement. Ouais. Et on terminera encore avec une petite recette de zafeu parce que il y a pas du mal à se faire plaisir comme ça. Bon, je vous propose qu'on commence parce qu'on a quand même beaucoup de boulot ce soir. Alors, on va commencer par Quix. Eh ben. Alors, je mets des jingles au hasard, je ne sais pas s'ils sont à propos, mais Quix, c'est tout à l'heure. J'ai envie de dire pourquoi pas. Donc, c'est à moi. Alors, donc moi, comme je vous le disais il y a très peu, je vais vous parler d'un rhum que j'ai découvert récemment qui s'appelle le Kraken. En fait, en me baladant dans le rayon alcool de mon supermarché, je me suis dit, et si pour les pochards, je faisais une petite série qu'on pourrait intituler Les alcools pas chers mais sympas. Ah, c'est bon ça. Pour éviter d'avoir acheté des bouteilles à 60-70€ à chaque fois pour se faire plaisir. Ce que ça implique, c'est que je risque d'acheter beaucoup de merde et pas forcément de tout boire. Et du coup, j'ai pris quelques notes et j'ai cherché un peu sur le net des avis sur les bouteilles que j'avais vues. Et l'avis qui m'a paru le plus intéressant était celui donc sur un rhum qui s'appelle le Kraken. Alors déjà, je l'avais vu en rayon parce que la bouteille est sympa. Alors j'ai cherché rapidement sur Wikipédia, la bouteille serait de style victorien. En fait, c'est une bouteille normale, mais elle a deux anses. C'est comme une amphore. À côté du goulot, voilà, comme une amphore. Parce qu'a priori, elles étaient suspendues pour éviter de les casser. Voilà, donc bon, moi, elle est posée parce que je suis soigneux. Et le deuxième point qui m'a attiré sur la bouteille, c'est que l'étiquette, le design est assez stylé. En fait, c'est une étiquette noir et blanc avec un dessin de Kraken, donc une pieuvre géante en train de dévorer un bateau. C'est métal. Pardon ? C'est métal, j'adore. Ouais, franchement, c'est sympa. La bouteille est belle. Et sur le net, leur site est un petit peu à l'avenant. C'est-à-dire qu'ils ont fait pas mal de visuels liés au Kraken. Ils ont fait une application iPhone que j'ai pas eu le temps de tester, mais je vais aller voir ça parce que ça a l'air assez marrant. Un petit jeu, en fait, mais avec le même, a priori, le même style graphique. Et une campagne d'affichage que, après coup, je me rappelle avoir vu passer sur Twitter. L'affiche donc du Kraken sur un bâtiment et des tentacules qui sortaient d'une fenêtre. En 3D, donc c'était assez classe. voilà pour la bouteille. Mais qu'est-ce que c'est que ce rhum ? Le goût. Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est salé. Donc pour la description, c'est un rhum qui vient de Trinidad et Tobago, qui est un rhum qui a à peu près 2 ans et qui est mélangé à un. Alors j'ai lu 11 et 13 épices, donc un certain nombre d'épices, du type cannelle, girofle, gingembre, etc. Alors la couleur est très foncée, donc ça rappelle un peu l'encre de pieuvre. Alors, c'est une couleur assez marron, assez foncée, très, très caramel, avec des reflets rouges, il est vraiment pas mal. Mais dans la bouteille, il rend vraiment... vraiment noir, comme de l'encre. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? C'est pas mal. Alors, au nez, on retrouve les notes d'épices, donc surtout cannelle. Cannelle. Ça, c'est quand on a fait tomber sa classe dedans. C'était mon secret. Non, c'était dans le story, cannelle, je crois. Merde. Déjà. Les références, quoi. Donc, ouais, cannelle. Clou de girofle, pas mal, et puis un peu de vanille, et c'est aussi ce qu'on retrouve en bouche finalement, vanille caramel, et assez épicé. Il est assez léger, mais il a quand même une bonne longueur. Il est pas trop fort, c'est-à-dire que c'est pas le rhum qu'on va avoir du mal à avaler, quoi. C'est très doux. C'est accessible, parce que moi je connais rien en rhum. C'est alors en prix ou en goût, enfin en goût, ouais, justement, c'est assez accessible. C'est-à-dire que moi j'ai tendance à boire du Diplomatico qui est très très sucré. Là on retrouve les mêmes notes, le même côté sucré mais beaucoup plus léger, et le côté alcoolisé est moins présent. C'est-à-dire que c'est léger. C'est à l'avenant du prix parce que la bouteille, alors je l'ai payée autour de 20€. Sur le net, elle est à autour de 40, donc je ne sais pas qui détient la vérité, mais je vais continuer à la payer 20€. Et la seule difficulté, c'est qu'a priori, c'est pas très facile à trouver en France. Je l'ai pas acheté en France. Mais ça se trouve sur le net. Donc la bouteille est vraiment pas mal sur une dans un bar, ça. C'est super belle, ouais. À Paris, on a chez bon. Lavinia si vous voulez. Ouais, voilà, donc après, Paris, il doit y en avoir dans des magasins spécialisés. Pour info, je l'ai acheté dans l'équivalent d'un Auchan, mais au Luxembourg. Ah oui, d'accord. Pas à côté de chez toi, du coup. Si. Si. Ah si, oui, carrément. Je suis à 200 mètres de la frontière. Oh, carrément. Oh, putain. Sinon, il y en a dans les supermarchés pro métro. Ah, après, il faut pouvoir y accéder au truc de métro. Oui. Il faut la carte. Enfin, un passe Navigo. Oh merde. Faut la carte. Alors, d'après Wikipédia, il est trouvable en Belgique, aux Pays-Bas. Et puis sinon, Danemark, Suède, Australie, Nouvelle-Zélande. Ce qui fait un petit peu plus long. Mais pas en France. Ah, donc, je pense qu'il faut se renseigner un petit peu. Mais c'est pas mal. Franchement, pour le prix, je suis assez satisfait. Ouais, tu conseilles quoi. Voilà, je conseille. C'est léger. En cocktail, ça doit pas être mauvais non plus. Comme il y a un côté caramel assez costaud, je pense qu'avec du coca, ça doit rendre comme il faut. Donc sympathique. Donc tu vas faire une petite séquence alcool pas trop cher. Donc c'est ça, ouais. Je vais essayer de tenir autour de 20€ la bouteille et puis de mettre du coca là-dedans. Ah, de goûter des choses. C'est pour les mélanges. Faudrait tester, j'ai pas essayé, j'avoue que... Mais ne fais pas ça malheureux. Mais pourquoi pas. Tu mets du coca dans rien. Si, dans ton verre. Dans le coca. Non. T'en mettrais dans du Diplomatico ou du Dom Papa? Ah, sûrement pas. Bah voilà. Ouais, mais là c'est. Laisse le Dom Papa tranquille. C'est une bouteille à 20€, est-ce qu'on peut se permettre? Je pense. Bah justement, il a eu du bol à la trouver à 20€ parce que je me rappelais pas que c'était si ah ouais, peu cher. Bah je l'ai vu, j'ai posté la photo là sur Twitter, visuel que j'avais vu chez Lavinia, et je me rappelais pas que c'était aussi peu. Ouais, là moi je suis sur la maison du whisky là, 29. Ouais, je trouve plus à 30 aussi, et pas toujours disponible. 40, difficile à trouver. Sur. Uvinum.fr, il est à 22,65. Frais de port, je ne sais pas. Non, le pack de 6 est à 55 euros. Hein. Non, mais c'est intéressant. Oui, la bouteille est sympa. J'adore l'espèce de Kraken, il est vraiment réussi. Hein. Je vais essayer de vous retrouver le visuel de la. De toute façon, on mettra de la pieuvre. On mettra les visuels sur le. Enfin, Zafeu mettra les visuels parce que maintenant il s'occupe de tout, Zafeu. Il va mettre les liens sur le post du blog. Ça va faire du boulot, ça. Oui, bien sûr. Et oui. Non, mais évidemment. Alors, Quick, autre chose à dire? Non, donc je vous conseille. Non, bah, et puis bien. On verra donc pour les prochaines si j'ai encore de la chance comme ça. Ce qui risque de ne pas arriver. Ouais. J'avoue que j'avais le choix entre ça et le Jack Daniel Winter, je ne sais plus quoi. Oh. Qui est un mélange de pomme cannelle avec une légère touche de Jack Daniel qui fait 15 degrés et qui est sympa mais un peu cher. La prochaine fois, encore un petit alcool. On va très bien trouver des petits alcools pas chers comme ça. Oh, merci, c'est ça. Je vais faire attention à vos porte-monnaies. Ah ouais, surtout moi, putain, j'ai pas de thunes. D'ailleurs, on peut lancer un pas de... Non, j'ai rien dit. et donc, bah merci, Quix. On va passer à O9. O9, je crois que tu as un grand sujet, un grand sujet qui nous attend. Avec infini, infini, infini, le monde entier, chante et sourit. On envoie de New York à Paris, si y a bien le meilleur après Martini. Et si vous voulez régaler vos amis, offrez un Martini. Un bon Martini et c'était chronique. Allez. L'infini, carrément. En fait, des chercheurs américains se sont rendus compte que l'enzyme qui servait à assimiler l'alcool était bien plus vieux que ce que tout le monde pensait. Ça date à peu près d'il y a 10 millions d'années. Ils se sont rendus compte, ouais, carrément, ouais, donc bien avant l'apparition de l'homme et autres. Ils se sont rendus compte que donc c'était cette enzyme a été développée chez les grands singes en mangeant les fruits qui étaient tombés au sol. Et du coup, qui avait macéré et produisait de l'alcool, en faible quantité, certes. Ils ont reconstitué cette enzyme à partir de 17 grands singes, d'espèces de grands singes. Mais ils se sont rendu compte que la véritable forme de l'enzyme n'apparaissait plus que chez l'homme. En fait, c'est cette forme d'enzyme bien particulière qui permet le traitement de l'éthanol, alors que les autres traitent d'autres types d'alcool. Mais... A priori, cette enzyme spécifique aurait permis un développement très particulier chez l'être humain et l'aurait permis de prendre le dessus sur le reste du fait des bénéfices que l'éthanol peut avoir sur le corps humain. Donc en gros, c'est l'enzyme qui permet la cuite, en gros, si je comprends, non ? C'est ça, c'est l'assimilation de la boisson alcoolisée. Au final, quand on boit, on ressemble de plus en plus à un singe. C'est le retour à l'état primaire. C'est exactement ça, on se met à quatre pattes et tout. C'est assez tragique en fait. Ouais. Donc bien sûr, c'était que à la base ça s'assimilait en très petite quantité parce que c'était pas fait pour à la base comme chez nous, mais a priori ça aurait permis le développement de l'être humain tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'à la purée il y a des cacahuètes. Oh, exactement. Et certains iraient même jusqu'à dire que notre penchant naturel pour aller vers l'alcool, pour la plupart d'entre nous autour de tables virtuelles, je dis plupart d'entre nous, serait en fait un reste de d'instinct animal, entre guillemets, qui nous resterait du fait que ces substances étaient bonnes pour bénéfiques pour le corps humain. Bon, de là à dire que ça reste un instinct primaire de boire de l'alcool, j'ai des doutes, mais pourquoi pas. C'est marrant ça. Ce sera tout? Oh, dis donc, ouais, c'était le petit mot culture. C'était ah, j'avais dit c'était rapide. Mais sinon, on va faire une émission de 45 minutes, dis donc. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais comme ça, on pourra mettre plus de on va mettre plus de recettes, comme ça, plus de zèbres. On sera 15 la prochaine. Ouais. Bah, très bien, merci. Donc, en gros, grâce à cette enzyme, on peut prendre une bonne cuite, si je comprends bien ça. C'est... Voilà, bouffer des fruits pourris. Pour les chercheurs, on trouve une excuse pour pouvoir picoler tranquille. Ou distiller tranquillement. Je teste les théories de Darwin, laisse-moi tranquille. Ok, bah très bien, merci. Arnaud, est-ce que tu es prêt? Alors, qu'est-ce que j'ai de mettre à toi? Alors, un petit... Qu'est-ce que je vais te mettre? Oui, alors, c'est bon, bien sûr, c'est tellement... Gens, oui, mais je parle de jingle, bien sûr. C'est tellement facile d'extrapoler comme ça. Je vais mettre... D'ailleurs, bon, je mets ça. De vin en bire, le voilà le joli bire. Bire, bire en bire, on le vin. Le voilà le joli bire au vin. Le voilà le joli bire. Magnifique. Magnifique, on a l'impression de tourner une radio Vichy. Alors non, moi j'avais juste envie de vous parler du cognac, mais d'un cognac particulier qui est le cognac Hennessy, parce que c'est pas honnêtement que ce soit le meilleur de la planète Terre, quelle que soit la version qu'on prenne, mais juste que pour moi il a toujours eu un goût particulier de madeleine de Provence. Alors, je ferai juste attention parce que ça souffle un petit peu sur ton micro, si t'as mal. Ouais. Pardon. Donc je fais juste très attention au micro. Et moi, c'est vraiment, j'ai envie d'en parler, de dire simplement qu'on peut aimer le cognac et le boire, celui-ci, il vaut le coup. Mais si en plus vous avez l'occasion d'aller faire un tour dans les caves de Hennessy à Cognac, mais allez-y, ça vaut vraiment le coup d'œil, quoi. C'est une façon d'aborder le cognac et le goût que ça a, qui est quand même un peu particulier et qui est vraiment, par contre, pour le coup, typiquement français, qui est vraiment génial. Moi, j'ai eu la chance de grandir, de passer mes vacances dans un chai de fin bois, qui est une des régions du cognac autour de la ville de Cognac. Et donc de profiter de la part des anges tout l'été. Oui. Et je dois avouer que la première fois qu'on nous a emmenés, enfin, je m'en souviens, moi et mon très cher frère, visiter les caves Hennessy, tu démarres d'un côté de la Charente, tu montes en petit bateau, tu traverses la Charente, tu rentres dans des caves qui sont par défaut noires, complètement sombres. Entre ça et après la dégustation, quand tu as 7 ans, c'est vraiment un vrai bonheur, quoi. C'est quelque chose. Ouais, oui. Mais tu voles un verre à droite à gauche, quoi. C'est tout, rien de grave. Et puis bon, c'est pas comme si nous, le grand-père avait posé la petite goutte de cognac sur la langue à l'essence, quoi. Voilà, donc je voulais juste te dire, les cognacs Hennessy sont, c'est pas pour rien honnêtement quand même qu'ils sont réputés, il y a quand même de toutes les qualités, de tous les prix. Ça vaut le coup de les goûter, de se faire plaisir, ça se boit pas. Je trouve qu'il est très déprécié en ces derniers temps comme alcool et comme moment de dégustation, mais je trouve que vraiment c'est vraiment un truc à boire avec plaisir, avec un café, mais pas nécessairement en fin de repas. Vraiment ne pas en prendre beaucoup, mais juste rajouter le petit goût qui va venir avec le moment où vous êtes, et voilà. Et comme je dis, si vous avez l'occasion, allez visiter les caves de cognac, de Hennessy à Cognac. C'est vraiment une façon, je trouve, d'aborder la dégustation de façon très différente, quoi. C'est comme le fait d'aller au Mont-Saint-Émilion ou de faire les se promener dans les Côtes-du-Rhône ou ou en Alsace, quoi. Il y a vraiment, ça fait partie de ce genre de moment où c'est là que tu sais que t'as envie de boire pour le plaisir, quoi. Moi, ce qui m'inquiéterait quand même, c'est qu'on me propose d'aller dans des caves pour boire de l'alcool. J'aurais peur aux tournantes ou à des choses comme ça. Ah, oh, tout de suite. Ça dépend. Si tu connais un peu cognac, les tournantes, ça court pas les rues, quoi. Il n'y a pas beaucoup de tours. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, de cognac, c'est surtout aussi des souvenirs d'enfance, quoi. Donc, je pense qu'on a tous, un moment ou un autre, un alcool qui nous rapproche de quelque chose, pas nécessairement l'enfance, mais qui nous rapproche d'un souvenir. Et je pense que c'est une des raisons aussi qui fait que certains alcools, on en garde un vrai plaisir ou pas. Alors moi j'avoue que je suis pas très cognac. Vous, est-ce que vous êtes cognac autour de la table? Parce que moi, franchement, c'est pas un alcool qui... Ça dépend lesquels. Ouais. Des fois, il y en a qui passent très bien. Non, mais... Moi, d'où je viens, c'est plutôt le Calva, donc je suis pas très cognac non plus. Hein. Bah c'est, moi je pense que comme le calva, c'est des trucs très régionaux. Exactement. Au final. Ouais. À part quand tu vas à l'étranger, honnêtement, pour le cognac NC en tout cas, où une fois sur deux, tu as droit à ça, soit au Bordeaux, soit au cognac. Ouais. Parce que c'est vraiment, ça a été très très bien vendu, d'ailleurs à ce niveau-là, on parle des trucs, c'est vrai que ça reste, il y a le calva, il y en a, qu'est-ce qu'il y a là, il y a la prune à droite, il y a toujours chacun son petit accord en France. Et, la poire à gauche. Voilà. Enfin, ça, c'est, chez moi c'est le Genièvre. Mais je pense vraiment qu'à l'inverse de, par exemple, du calva, le cognac a plus de variété, a plus de goûts différents, il est beaucoup plus doux pour être bu à d'autres moments. Il y a le design des bouteilles aussi qui est c'est sympa quoi, qui marche pas mal. Depuis que c'est Louis Vuitton quoi, qui les a rachetés, c'est vrai que le produit il y a une dizaine d'années maintenant, c'est vraiment complètement replacé côté hyper luxe, donc ça veut dire l'identité, mais ça veut dire aussi le design des bouteilles. Il y a les gammes ont beaucoup changé. On peut donner, d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est quand vous faites la visite, comme j'ai fait aussi avec des amis étrangers, quand tu fais la visite en langue française, on te dit, tel cognac, on le coupe avec les fins bois, avec les bons bois, avec une petite champagne, ça, c'est ce qui donne le goût, machin. Par contre, quand tu visites en langue étrangère, genre par exemple en allemand ou en anglais, on va jamais te dire qu'on utilise du fin bois ou du bon bois, qui sont les cépages les plus ordinaires et les plus loin de la zone de cognac. On dira toujours, c'est que du grand champagne, des petites champagnes, au mieux des borderies. Enfin, tu vois, il y a une espèce de vis-à-vis d'étrangers, de regard et de vente du produit qui est très particulier autour du cognac et à cognac en plus, quoi. Ok, bah très bien. Merci Arnaud. Bah, décidément, vous êtes rapide ce soir, dis donc. Et on te l'avait annoncé dans le conducteur. Hein. Bon, c'est pas grave, il nous faudra peut-être 8 personnes de plus la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à laisser des tweets sur Alpochard du Web. Et c'est l'heure, un petit, on va parler un petit peu cuisine. Enfin, cuisine, c'est un grand mot, mais on va parler recettes avec Zafeu. Est-ce que tu. Alors, Zafeu, je vais te mettre un petit jingle. Allez, ça. Oh, dis donc. Alors, on va commencer par faire très simple. C'était le jingle, en fait. Ça, je le remets, d'accord. Voilà, ouais, en général, okay. Quand on dit mon nom, après, il y a ça. Attends, je teste, Zafeu. Ça marche. Oh mon dieu. Ah, je m'amuse, moi, quand il y a des jingles. Hein, ça... Alors, on va commencer par faire super simple. Ouais. Actuellement, on a un souci. Nous sommes en hiver. Et en hiver, c'est compliqué de faire des recettes avec des produits de saison. Alors, on va commencer par une petite recette de liqueur, très simple. Une liqueur qu'on peut faire toute l'année. Parce qu'on va la faire avec un fruit sec, c'est la datte. On va faire une petite liqueur de datte. Ben, la liqueur de datte, il n'y a pas plus simple. Il n'y a vraiment pas plus simple. Vous prenez un bocal. Vous prenez 30 dattes. Une tournée. Vous prenez deux gousses de vanille, vous les fendez. Vous mettez ça donc dans le bocal, les 30 dattes et les deux gousses de vanille. Vous rajoutez dedans une bouteille de cognac. Vous fermez. Vous attendez 40 jours en agitant tous les 4 jours. On filtre, on met en bouteille et on boit. Oh, j'ai des doutes quand même. Est-ce que c'est vraiment bon? C'est pas fort, c'est... Ah bah c'est... Ça va te faire une liqueur à peu près 35-40 40 degrés d'alcool. Donc une liqueur correcte, hein, accessible. Je dirais que moi je l'interdirais au moins de 12 ans. Ouais. Comme les 50 nuances degrés. Ça doit faire à peu près la même chose. On en parle ou pas? Est-ce que c'est aussi bon? Est-ce que c'est aussi bon? Je pense que ça brûle un peu moins. Je ne sais plus de quoi on parle. Non mais c'était ma première, c'était vraiment très simple. En fait, c'est pas sucré, c'est très peu sucré. Enfin, on a le sucre des dattes quand même. Mais bon, ça n'a rien à voir avec ce que je vous avais montré les dernières fois, comme la vodka Tagada ou autre. C'est quand même un peu plus fin. Ça se boit plus difficilement d'un côté, mais c'est très sympa. Ça n'a rien à voir avec celle qu'on peut trouver dans les pays Maroc, Algérie, Tunisie. Alors en général, eux, ils font macérer les dattes, ils les font macérer et ensuite ils distillent. D'accord. Donc là, ça fait plus un alcool de dattes. C'est un peu la même différence que tu vas avoir entre une anisette en France, où on prend de l'alcool pur et on fait macérer nos différentes herbes dedans, à l'ouzo grec, où on va faire macérer du sucre, etc., avec du fenouil et autres, avant de distiller. Ok, parce que moi j'avais goûté cet alcool de datte au Maroc et ça passait tout seul, c'était une horreur. C'est après toi que tu te déplaces plus, on parlait de retour au sens, là je te jure, j'étais bien quatre pattes mais j'avais pas la souplesse. Hein. Toi non, quand même, pas toi. Si on a un qui boit, c'est plutôt moi. Mais tout à l'heure tu nous as parlé de cognac, le cognac ça va, c'est quand même assez doux, c'est bon, on tient bien. Mm-hmm. Dès que ouais. tu commences à mettre une de ces saloperies de fruits dedans, t'es à quatre pattes. Bah, c'est les fruits qui niquent exactement, tout. Exactement, c'est les fruits. Ouais, faut pas mettre de fruits dans l'alcool. Non. Bah voilà, c'était ma première recette, la plus simple. À tout à l'heure, ça pour une seconde recette, chef à feu. Putain, c'est top chef ce soir, j'adore. Alors, bah écoutez, bah, ça va être à mon tour. Alors, qu'est-ce que... Alors, jingle. Allez, je vais mettre ça. Au clair de la lune, que cherche Pierrot ? Le soleil dans une bouteille de Cointreau. Alors, comparé à vos rubriques, en fait, j'ai l'impression que j'ai écrit un pavé. Et en fait, ce serait presque un dossier, quoi. Voilà, désolé, mais... J'ai d'abord écouté un petit son, vous allez me dire d'où ça vient. C'est de la liqueur des chalotes. Mais c'est relevé au jus d'ail. Parce que les chalotes tout seules, ça serait trop fade. Alors. Bien. Les bronzés. Ah oui, les bronzés font du ski, forcément. Parce que j'ai revu cette séquence il n'y a pas longtemps et je me suis demandé si vraiment ça existait et si on pouvait se procurer de la liqueur d'échalote. C'était tout con comme question. Bah, la réponse, en fait, non, ça n'existe pas en tant que tel, la liqueur d'échalote. Mais bon, on a toujours des petits débrouillards sur Internet comme Zafeu qui ont des petites recettes de liqueur à l'échalote. Alors, très rapidement, pour une liqueur à l'échalote, vous prenez 1 litre d'eau de vie, 500 g d'échalote, 250 g d'ail violet et puis bah, vous faites macérer le tout et puis normalement ça fait une bonne liqueur d'échalote, mais je ne vous conseille pas d'essayer, franchement. Mais en fait, pourquoi je parle de ça ? Putain, mon dossier, mais c'est tellement long. Je m'inquiète un peu pour ta vie quand même. Tu regardes les bronzés, tu te poses des questions comme ça. Ça va quand même en ce moment. Ça va, ouais. Je regardais Navarro aussi. D'accord. Par Brojanin tout à l'heure. Ouais. Bon, alors juste une petite. Alors, c'était juste bière, un petit prétexte pour vous parler en fait des. C'est vrai, c'est comment il va ? Un peu mal en ce moment, je sais pas ce que. Alors, en fait, c'était un prétexte pour vous parler des alcools un peu étranges. Parce que, bon, c'est un petit article que j'ai trouvé. Tout n'est pas forcément intéressant, mais voilà. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, en premier. En alcool étrange, entre guillemets, même si ça reste très connu, c'est l'absinthe. Alors, vous connaissez l'absinthe, ouais. Ça a une réputation de rendre fou. Oui. C'est aussi appelé la fée verte, je ne savais pas. C'est un alcool à base de plantes d'absinthe. Et apparemment, ça, je ne savais pas du tout, je ne sais pas si vous saviez, c'est un alcool avec du fenouil dedans. Voilà. Bon, ah non. Oui, bien voilà. Sûr. Ah oui, moi je savais ah pas. Moi, je savais pas, tu vois. Alors, un degré d'alcool qui avoisine les 90 degrés, à peu près. Et un truc de l'article que je ne comprends pas, on me dit... C'est pas, enfin, je comprends pas, vous allez me dire. Un pourcentage d'alcool qui peut aller de 90 à 150% d'alcool. C'est physiquement impossible. Voilà, donc c'est de la merde cet article. L'alcool pur, c'est 96,4%. Voilà. Merci. Ça sort du spiritus, ça vient de Pologne et c'est dégueulasse. Voilà. C'est de l'antigel, le complément. Alors, l'absinthe, c'était pas un alcool très aimé, hein. C'était interdit aux États-Unis en Europe au XXe siècle, mais c'est légal en France, hein. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, c'est vraiment. Attends, je voudrais juste préciser, il a été modifié pour être à nouveau légal. Hein. Exactement. Justement, ouais. Parce qu'en fait, dedans, il y a la thuyone, c'est une molécule qui. Enfin, c'est une molécule assez toxique, nous expliquons. Et ça doit pas dépasser 35 mg par litre, mais ça, c'est. Donc, ça, c'était vraiment l'absinthe, un petit alcool. Comme ça, tu ne joues pas l'oreille. Voilà. Enfin, ouais, qui vendaient en l'absence à absente pendant un temps avant. Ah ouais, donc c'était un peu la grosse arnaque, donc ils ont autorisé ça en 2012, je crois. Mais oui, en 2011, ouais. Voilà, mais on en trouve très peu encore. C'est un peu le problème. Il parlait que la réautorisation s'était occultée par l'affaire DSK. Et les gens ne savaient pas. À cause de DSK, l'annonce de l'autorisation a été occultée. Bah, on trouve très peu et très peu de sortes, encore. Ah, mais moi, j'ai bossé à fond au sujet. Et on trouve quasiment aucune, voire pas du tout, d'absinthe parfumée en France. C'est très dommage. Je suis allé en République tchèque pour en trouver des bonnes. En Belgique, ouais. Au Fleuris. Ah, attends, tu parles de DSK et tu dis qu'il faut aller en République tchèque pour en trouver des bonnes. Tu parles d'absinthe, là, c'est bon. Hein. On est bien d'accord. Ouais, ok, d'accord. Bon, je continue rapidement. Bon, on va parler de bière. Tout simplement, c'est une bière aromatisée à l'origan, tomate, ail et basilic. Bon, c'est en fait les brasseurs voulaient brasser la bière, une bière idéale pour la pizza et ça donne la Mamma Mia Pizza Beer. Voilà, c'est mignon. Je sais pas si Onof, toi, tu connaissais ça ? Pas du tout. Comme toi, t'es assez dans la bière. Mais bon, après, je sais qu'il y a des bières qui sont plus originales aussi, avec des donuts et des trucs comme ça, non ? Tout à fait. Avec du sirop d'érable, donuts, bacon, banane, tout ce que vous voulez. Donc voilà, au niveau bière, c'est assez large. Bon, on continue. J'ai aussi la Bečírovka. Est-ce que vous connaissez la Bečírovka ? Parce que justement, on part en République tchèque. Non, toujours pas ? Non. C'est une boisson à base de 34 herbes et plantes. Mais en fait, on sait pas, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a que deux personnes qui connaissent la composition exacte. Alors, c'est un peu comme le McDo, enfin, le Big Mac, la recette de la sauce Big Mac ou le Coca, quoi. Donc, on sait pas combien il y a de plantes dedans, et d'herbes non plus. Bon, à peu près 34. C'est le mec qui a des employés municipaux qui taillent les haies, qu'on essaie de distiller ce qu'ils ramassaient, quoi. Ouais, ils ramassent tout, et puis au lieu de recycler. Bon, c'est une boisson qui remonte au 19e siècle, et c'était un pharmacien qui utilisait ça comme digestif. Donc, bon, je sais pas vous, mais moi, ce genre d'alcool, je suis jamais très très fan. Alors, l'aquavit maintenant. Là, on va rentrer dans des alcools un petit peu plus petit peu plus étonnant, on va dire. Alors, je passe rapidement sur la Glavit, c'est un spiritueux scandinave avec un taux d'alcool de 80%. J'aurai de mes recettes. Et... Ah ouais? Ah merde! Non, c'est pas grave, il y en a plusieurs en soc. Bon, c'est juste utilisé surtout pour, par tradition pour porter un toast. Mais voilà. Et déboucher les chiottes aussi. Ouais. Et ben justement, tu ne crois pas si bien dire ce que j'ai dans ce livre. Déboucher les chiottes! Ah bah, tu vois, et. Voilà. Tu veux des transitions, tu m'appelles, mec. Hein. Ah mais j'adore, j'adore. Bon, on continue rapidement. On a le koumis. Le koumis, là, on va rentrer dans les choses vraiment pas très ordinaires. Alors, le koumis, c'est un lait frais non pasteurisé qu'on a mis à fermenter. Alors, pour précision, c'est du lait de jument. C'est un lait frais fermenté de jument. Et c'est assez populaire en Asie centrale. Par exemple, on peut acheter des bouteilles de lait de jument fermenté en magasin. Mais bon, c'est une boisson qui a la réputation de pas être très très bon, enfin, pas très très bonne, et sentir très très fort. Alors, est-ce que ça vous tente? Pas du tout. Pas du tout, non. Oh. Oui, moyen. J'ai testé l'India qui a aussi fermenté. C'est dégueulasse. Eh ben justement, peut-être que si tu n'aimes pas le lait de jument, tu aimeras peut-être le lait de chamel, parce qu'ils font la même boisson avec du lait de chamel. Peut-être que ça peut être ça. C'est plus doux au goût, hein, soi-disant, donc ouais. Je sais pas qui croit. Alors, on continue rapidement. Je vais pas prendre trop de temps, parce que là, ça commence à être... Alors, je vais vous faire... Non, vas-y, prends ton temps. Bon, bah, si vous voulez, hein. Ce sera le dossier de l'émission, on verra. Alors, je vais vous faire encore écouter un petit son. Dites-moi... Comment vous faites pour faire passer le crapaud à l'intérieur de la bouteille? Ah, alors ça, on le fait sécher, et puis alors il devient tout fin. Alors il rentre, et puis après, avec l'humidité, il gronde. Ah, oui. Voilà, je pense que vous savez encore d'où ça vient, hein, bien sûr. C'est la même séquence. Ah, les soirées. Parce que, les tristes liqueur... soirées d'hiver. Ouais. Donc du coup, je m'intéressais à la liqueur de serpent, alors une bonne petite bouteille de liqueur de serpent, parce que l'alcool de serpent, ou l'alcool vipérine, ou même l'alcool de scorpion, ça reste assez pas classique. Tout ce qui est mescal et compagnie. On connaît de nom, quoi, voilà. Le principe, en fait, et tout l'art d'ailleurs de cet alcool, c'est de l'alcool de serpent, ça réside dans la mise en bouteille d'un serpent, mais vivant, dans de l'eau de vie, parce que quand il est vivant, il convulse et il libère son venin dans l'eau de vie et ça permet de lui donner soi-disant des vertus curatives. Alors ça, je suis curieux aussi, quand chaque fois qu'on a un alcool fort, on lui attribue des vertus curatives, je suis pas à 100% sûr, mais bon, je ne sais pas. Et c'est des aptes aussi, ça cure. Ah oui, bah oui. Bon, alors qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma besace? J'ai la chicha. Alors c'est pas ce que vous croyez, hein. C'est pas ce que vous croyez, comme disent les Olivier. Même. Alors... Ce sont en fait des grains de maïs mâchés et recrachés en fait, et le principe c'est que, bah justement, Onof en parlait, les enzymes de la salive permettent la dissolution du sucre et permettent la fermentation des grains de maïs. Donc si vous aimez vous balader en Amérique centrale, vous en trouverez, hein. Mais si vous allez dans un commerce et que vous trouvez de la chicha, vous pouvez y aller sereinement, parce que en commerce, il n'y a pas le processus de mastication, si vous voulez, donc ça c'est plutôt clean. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La cinare, est-ce que vous connaissez? Non, ça me dit quelque chose, non. Non plus. Ah, ça me dit quelque chose, moi. C'est pas un alcool d'artichaut, un truc comme ça? Oh, il me casse mon effet de manche, quoi. Alors, c'est une délicieuse liqueur brune, douce, amère, et une délicieuse liqueur à base d'artichaut, exactement. Alors, c'est une boisson italienne, hein, et ça a 16,5 degrés d'alcool, et alors, buvez ça, on nous conseille de boire ça avec du coca ou du jus d'orange, parce que ça passe mieux ou bien, apparemment. Ça camoufle le goût. Voilà. Et bien sûr, attention, je garde ça pour la fin. Alors, vous prenez une boisson à base de vin de riz, qu'on trouve principalement en Chine et en Corée, principalement, hein. Mais même si c'est pas très populaire, hein, comme ne buvez pas ça, c'est dégueulasse. Non, ne buvez pas ça. En fait, les brasseurs déposent dans la bière, enfin c'est dans le vin de riz, une petite flopée de protéines, parce que c'est toujours bon de mettre des protéines dans l'alcool. En fait, ils déposent quelques petits fœtus de souris, comme ça. Hop, quelques petits fœtus de souris dans votre alcool, et ça aurait, hein, là aussi, des vertus médicinales, bien sûr. Comme d'habitude. Alors, je vous en ai servi un petit verre, hein, dans le comptoir, donc on va boire ça tous ensemble. Hein, oui, bien allez, sûr. C'est parti. À la vôtre, hein. À la vôtre, santé. À la vôtre. Merci. Merci. Bonne chance, surtout. Ah, bonne chance, santé. Ah, on la sent bien, la médecine. Hein. Voilà, ce petit alcool est goulayant, je trouve. Voilà. Des coups de banane. Très bien, bon, bah voilà, c'était le mini dossier, gros sujet, en fait. Hein. Titour, est-ce que tu es prêt? Oui, à peu près. Allez, je mets Picon. Picon, Picon, Picon, y a-t-on, que fait-on? Picon, bravo, Picon, que fait-on? Picon, bravo, Picon, Picon, glaçon, que fait-on? Picon, bravo, Picon. C'était long, même. Oui, alors moi je vais vous parler du Mazamiel, donc c'est un vin, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Bah, ça tombe bien alors. Alors, l'intérêt de ce vin, c'est qu'il a un goût un peu sucré. Et donc, pour vous en parler, j'ai un peu expliqué comment il est préparé, comment il est créé. Et avec quelques termes techniques, donc je vais avec vous si vous les connaissez, pour les expliquer, parce que je me suis rendu compte qu'il y a un langage au niveau du vin qui est assez spécifique. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, le Mazamiel, à la base, c'est un Mori. Donc, c'est à côté de Perpignan, à 30 km environ. Donc, je vais vous parler plus principalement de la cuvée de 15 ans d'âge, du Mazamiel. Donc, c'est pour la vinification. Vous savez ce que c'est, ce que ça veut dire? Oui. Non, moi, je sais pas. Tu peux expliquer? En fait, c'est toutes les étapes qui vont aller de la transformation donc, du raisin en vin, tout simplement. Donc, pour la vinification, donc, c'est récolté manuellement. Après, il y a l'éraflage et le mutage. Alors, l'éraflage, c'est la séparation des grains de raisin de la rafle. En fait, la rafle, c'est la charpente de la grappe de raisin. Et la peau extérieure, des fois. Éventuellement. Et après, il y a le mutage. Vous savez ce que c'est, le mutage? Non plus. En fait, le mutage, c'est... C'est dans les Tortues Ninja. Ouais. Non plus, ce n'est pas une chanson de Rammstein non plus. C'est en fait le fait d'arrêter la fermentation des raisins en rajoutant de l'alcool vinique neutre. Pardon. En fait, c'est un alcool à 95% qui est fabriqué à peu près, qui est fabriqué avec du marc de raisin, du lit de vin et du vin, donc qui est distillé. Donc c'est pas n'importe quel alcool qui est ajouté. C'est très réglementé aussi pour les, dans ce cas-là, pour les vins doux naturels. Donc ça marche aussi pour ce qui est Muscat, Banyuls et Rivesaltes. Donc ça, je pense que vous connaissez peut-être. Pas trop. Non. Pour le Muscat quand même, c'est connu. Oui, si, si, quand même. Voilà. Donc alors, ce vin, donc il est macéré pendant 30 jours. Et avant, justement, après mutage, donc après, il coupe la fermentation, il laisse reposer 30 jours. Donc ce qui va donner, on va dire, l'équilibre du vin, lui donner son côté fruité, la sucrosité, comme on appelle ça, et l'alcool. La particularité de ce vin après, c'est qu'il va passer un an dehors. Ils vont le mettre dans des bonbonnes en verre, avec juste une boîte de conserve posée dessus, et pendant un an, ils vont le laisser à l'air libre, au soleil, qui pleuve, qui neige, qui vente et tout, ils vont le laisser comme ça, pour que le teint... Il y a l'air libre. Voilà. Enfin, juste avec une... Enfin, il y a des photos des champs, avec juste une boîte de conserve retournée, qui est posée dessus, sur la grosse bonbonne. Et donc, c'est pour lui donner son côté, pour l'oxyder, le vin. Ce qui va permettre de l'évoluer vraiment et de lui donner un goût vraiment très particulier. Tout. Et donc après, il sera mis dans ce qu'on appelle des foudres de chêne. C'est un gros tonneau. Un gros tonneau. Voilà, en gros, c'est un énorme tonneau en chêne. Donc chez Mazamiel, leurs barriques, elles font 350 hectolitres. Ah oui, donc ça fait 35 000 litres. Ils en ont 17 comme ça qui datent de 1890. Si elles sont en chêne aussi, c'est parce que le chêne, c'est pas anodin, c'est parce qu'il contient beaucoup de tanin. Donc, si vous savez à quoi ça correspond le tanin. Oui, c'est astringent, c'est tout ce que je sais. En fait, c'est ça. C'est ça. En gros, le tanin, c'est une molécule qui réagit avec la salive et qui donne le côté rugueux et astringent au vin. J'ai appris ça dans le cam. Oui, puis c'est ce qui te tâche quand tu baves sur ton t-shirt. Aussi. Il faut aussi différencier donc l'astringence de l'amertume. L'astringence, c'est une sensation, alors que l'amertume, c'est une saveur. Donc, est-ce que vous connaissez les cinq saveurs, d'ailleurs, ou pas? Je sais plus. Vas-y. Je sais qu'il y a l'umami. Et... Voilà, sucré, salé, acide, amer et umami. Umami qui a été rajouté il y a pas très longtemps, d'ailleurs. Umami? Oui. Ouais. Umami, mami, blues. J'ai pas pu résister. Voilà, c'est tout pour nous. Voilà. Allez, salut. Donc, au passage, umami, ça veut dire goût savoureux. C'est du nom du japonais. Et on retrouve ça dans les tomates bien mûres ou dans certains thés japonais, justement. Donc voilà. Et donc après, cette cuvée-là, après avoir passé donc un an dehors, ça passe 14 ans dans les cuves. Un an dehors, il vieillit de 14 ans. Voilà. Et ça va de 5, 10, 15, 20 ans, voire encore plus pour certaines cuvées. Et donc ce qui est vraiment sympa avec ce vin, c'est qu'il passe très très bien avec les desserts au chocolat ou avec du chocolat tout simple, parce que c'est vraiment de la liqueur pour celui-là. Donc celui-là, vous n'allez pas en boire énormément, alors qu'ils en ont des cuvées qui vont pas rester dehors et qui seront donc buvables beaucoup plus rapidement et vous pourrez vous resservir. Est-ce que toutes les personnes à qui j'en ai fait goûter ont toujours été surprises, on en prend un petit peu au début pour tester, et en gros tout le monde y est retourné. Donc il y a aussi, donc ça je vous le conseille fortement, donc c'est le Mazamiel, donc cuvée 15 ans d'âge, il y a aussi le Vintage, donc récemment c'est, il y a le 2010, 2011, 2012 qui est très sympa aussi. Dans le même style aussi, il y a le Meditana Vintage, qui est un peu le même principe, qui est un peu plus sucré. Et si vous avez vraiment le vin très sucré, vous avez le Pedro Jiménez. Donc il récolte le raisin, il le laisse sécher à l'extérieur, et en gros, il arrive à peu près 300 grammes de sucre par litre. Ah, c'est sucré, oui. Pour vous donner une idée. Oui, c'est du lourd. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Donc des vins sucrés. Voilà. Mais j'ai du mal à mettre ça avec du chocolat, ça doit être, tu dois te finir, mais massif, quoi. Pas du tout, justement, parce que enfin, t'as le goût, mais c'est pas, c'est assez léger comme saveur. C'est pas trop liquoreux. Enfin, pour celle-là, oui. Mais ça passe quand même très bien. Oh, bah vraiment, il va falloir que j'essaye. Et t'as des notes chocolatées, fruitées, t'as pas mal de choses différentes. Et c'est vraiment. Non, ça passe vraiment très très bien. Où est-ce qu'on peut se procurer ça? Le Mazamiel, t'en trouves un peu partout. Donc, ça, c'est assez simple d'en trouver. Tu reconnaîtras, c'est une bouteille noire avec une étiquette violette. Généralement, c'est celle qu'on voit le plus. Je sais pas si tu l'as dit, mais un prix correct. Celles-là, bouteilles, elles sont dans les 15-20 euros. Ah ouais, c'est moins. Ah, c'est bien. Bon, ça va encore, c'est raisonnable. Oui, le Pedro Jiménez, là, par contre, ça sera encore un peu plus. Ouais. Et le Meditana Vintage, il y en a, ils en ont pas mal chez Lavinia, et je crois que c'est 15 euros la bouteille. Ok, bah très bien. Bah, merci, Titours. De rien. Est-ce que Antoine est prêt? Je sais qu'il va préparer une rubrique. Évidemment. Folie. Alors, des chauffe-pétards d'acteur. Qu'est-ce que j'ai mis? Du bonnet? Du bon, du bonnet. Mettons comme ça vous plaît, du bonnet, c'est le caquina parfait, du bonnet. Nous t'écoutons. Ah, les pochards du web, c'est pas la première fois que je croise votre route. En effet, nous avons déjà fait micro commun. C'était à Rennes, un lieu qui finalement me semble idéal pour parler alcool. Oui, oui. Les Bretons et l'alcool. C'est inséparable, je sais pas, comme l'Espagne et la paella, l'Italie et la pizza, le Nord-Pas-de-Calais et le chômage, enfin bref, des associations comme ça, évidentes. Me voici aujourd'hui de retour devant le comptoir, et comme souvent, accoudé au comptoir, chacun y va un peu de sa confession. J'ai donc décidé de vous parler d'une part de ma vie que j'ai jamais évoquée, qui a un rapport avec l'alcool évidemment. En effet, peu de gens le savent, mais en réalité, je suis un super-héros. Eh oui. Chaque soir, je troque mon identité de civil pour enfiler ma cape. Mi-homme, mi-chauve, je souris, je suis barman. L'équivalent de Batman, en moins sombre et moins sobre. Avec mon fidèle alcoolique, mon acolyte Bibine, le sidekick dont Robin n'a rien à envier, nous tâchons de faire respecter le désordre et l'injustice dans les bars de la ville. Et comme j'habite dans le Calvados, chaque recoin peut cacher une embuscade dont il est difficile de se relever. Certains se demandent comment est née cette vocation. À vrai dire, je la dois à mon oncle, qui est également le patron du PMU de mon quartier. Il s'appelle Ben, et comme c'est son métier, je dois avouer que souvent, Ben, c'est l'oncle qui saoule. Un jour, il m'a dit cette phrase qui m'est restée ancrée dans la mémoire. Tu sais, Anto, un gros pourboire implique de grosses responsabilités. Puis il s'est écroulé sur le comptoir. Et c'est là qu'est apparu mon premier ennemi, le redoutable double face, dégustant un double scotch. Un scotch double face, en gros, quoi. Il trempait dans son verre un petit morceau de sucre pour faire un canard, tout en me lançant un regard en coin. Un regard en coin-coin, du coup. C'en était trop. L'alcool dans mon sang ne fit qu'un tour, et je lui adressa un sacré taquet en me réservant un sacré saké. Chin-chin, scandale assemblé. Le combat était lancé. Un match à mort où tous les coups sont permis. Et je m'y connais en permis, ça fait bien longtemps que je l'ai plus. Il riposta en versant du martini sur mon jean. Un coup sous la ceinture, c'est bas. Catcha san tienne. Je décidais de ne pas me démonter et lui montrer qu'il ne faut pas emmerder un Normand si on ne veut pas finir au fond du trou. Au fond du bar, les clients habituels continuaient leur partie de blackjack tout en sirotant un mojito. Un vieillard, maniaque, oui, en deux mots, se leva pour me demander « Tu veux que je te suze ?» Puis reprit sa place pour siroter une petite prune avec son ami Pervenche. Mon oncle, toujours écroulé de fatigue, bailait aux corneilles. Distrait par cette intervention pour le moins ubuesque, je me dis qu'il était temps de mettre un terme à tout ça. Armé de ma grandeur et de mon courage, respectivement ma bite et mon couteau, je lui assénai un uppercut proportionnel à ma super cuite pour lui faire mordre la poussière. C'en était terminé de mon adversaire, qui reposait double face contre terre. Une légende était née, celle de l'homme qui passe de terrasse en terrasse pour terrasser les terreurs. Voilà. Ah, bravo. Excellent. Bravo. Très très bon. Merci beaucoup. Et donc le but du jeu, c'est de trouver tous les alcools que tu as. Ah, j'en ai disposé quelques-uns comme ça. Oh, t'es placé en buscade. Distillé discrètement. Exactement. Ouais, exactement. Ah, bah, c'était très très bon, mon gars. Ouais, je profite de ma présence pour faire un petit big up à la micronique de notre broadcast. Hein. C'était un peu dans le même bah, genre. Oui, c'est Martin qui fait ça. Martin et Fred, je vous embrasse. Voilà. Oh, c'est mignon. Oh. Bon, et bien merci Ando, c'était très très bien. Bah, de rien, pas grand chose. Allez, on termine par une petite recette de maître Zafeu. Est-ce que tu es prêt? Parce que quand il y a Zafeu, c'est. Et il y a aussi, bon, c'est qui le patron? Eh ben, c'est Zafeu. Eh ben, je m'aperçois qu'on a encore rien mangé. Ah, mais oui, j'ai faim, moi. Alors, on va parler d'un petit truc sympa à manger, qui est assez tendance, beaucoup plus aux États-Unis, assez peu connu en France. Ce sont les Jello Shots. Alors, je sais pas si on en a déjà parlé ici, peut-être Titours. Non, mais faut que j'essaie prévu que j'en fasse. Ah. Ah. Bah en tout cas, j'ai la recette. Bah, tu as la recette, il y en a quelques-unes aussi. Moi, je vais parler d'un... Alors déjà, qu'est-ce qu'un Jello Shot? Qu'est-ce qu'un Jello Shot? C'est de la gelée alcoolisée. Voilà, la gelée alcoolisée. Vous avez peut-être tous vu les Tom et Jerry, quand ils se baladent sur la table avec ces desserts américains transparents, bah, de la gelée. Mmh. C'est bon. Voilà, donc on va faire la même chose, mais avec de l'alcool. Et là, j'ai une petite recette, un peu goût margarita. Pour à peu près, on va dire 5, 6, 7 personnes, quoi, un petit apéro entre amis, on a besoin quand même d'un peu d'eau, à peu près 15 centilitres d'eau. On fait moitié tequila, donc c'est à peu près 7 centilitres de tequila. Pour donner un petit goût de fruits, on va rajouter du triple sec, genre Cointreau, Grand Marnier ou autre, 3 centilitres, moitié de ce qu'on a mis en tequila. Et en plus, pour que tout ça tienne, on a besoin d'un peu de jus de citron, une lichette, 2 centilitres, ça suffit, et un peu de gélatine en poudre, genre agar-agar ou gélatine, celle que vous voulez, environ 2 grammes. Donc, on va prendre à peu près 12-13 centilitres d'eau que l'on va chauffer, que l'on va faire bouillir, dans laquelle on va incorporer la gélatine et le jus de citron. Pour pouvoir faire la masse dure que l'on va manger, parce qu'il faut bien manger, on va la faire bouillir pour faire tenir la gelée. Ensuite, on va remiser ça de côté, et on va pendant ce temps-là, on va mélanger le reste des ingrédients, donc c'est très simple, le reste d'eau, la tequila, le triple sec. On mélange tout, et le plus simple, c'est de disposer ça dans des petits gobelets en papier ou des petits gobelets en plastique. Petit gobelet rouge. Si tu veux, de la couleur que tu veux. Mais pourquoi en papier ou en plastique? Parce qu'ensuite, c'est plus simple pour le manger. Si on prend ça dans un gobelet en verre, t'es obligé de prendre une cuillère, c'est chiant. Alors que là, tu mets le... Oui, c'est classe. Oui. Tu mets ça au-dessus de ta bouche, tu presses et hop, tu manges, c'est plus facile. Non, on n'est pas dans un 3 étoiles. Alors, on met ces petits gobelets au frigo, 3 heures, et tu passes ça à toutes les jolies étudiantes qui traînent sur ton palier, et en général, elles restent assez longtemps chez toi. Évidemment. Avec un peu de GHB, ça marche encore mieux, il paraît. Elles sont mortes, tu veux dire? Alors ça, t'es... Les à chacun a ses petits secrets. Donc voilà, c'était simplement des petites shots de Jello, c'est assez sympa. Bah, ça fait pas mal dans les trucs étudiants. Moi, j'ai appris à les faire quand j'étais en fac. Et justement, c'est marrant parce que aux États-Unis, ils font ça aussi parce qu'ils ont pas le... Enfin, je dis peut-être des conneries, mais ils ont pas le droit d'avoir de l'alcool sur campus. Alors c'était un moyen détourné pour faire... amener de l'alcool, ils faisaient des Jello shots de vodka par exemple, et alors c'est pour ça qu'il y avait des gobelets bleus et des gobelets rouges, c'est un code couleur pour les gobelets bleus c'était sans alcool et les gobelets rouges c'était les Jello shots avec alcool, donc ça permettait de détourner un petit peu le code de l'établissement, c'est ça qui était marrant. Voilà, c'était la petite anecdote. Ah, autrement j'ai une autre idée parce que dans des gobelets c'est sympa, on mange, mais on peut faire des trucs un peu plus beaux, c'est-à-dire vous gardez la même recette mais au lieu de mettre ça dans un gobelet vous allez couper une orange en deux et faire prendre la gélatine dans l'orange évidée. Dans l'orange évidée, après les 3 heures de frigo, vous coupez en quartiers, et vous avez des quartiers de Jello, c'est assez sympa, et c'est même beau. Oui, c'est beau, mais... Ça débouche la chiotte. parce que autre souci avec ça, c'est que tu sens beaucoup moins l'alcool quand c'est dans la gelée. Donc voilà, c'était ma deuxième recette. La deuxième recette du soir. Bon, bah du coup, on va passer à la conclusion. Ça a été une émission courte, mais je pense qu'on a discuté de plein de choses. Donc on va passer... Alors, merci Zafeu. Et on passe à la conclusion. Qu'est-ce que je mets pour la conclusion? Ce berger, quel délice! Voilà, j'ai mis ça, je savais pas que mettre. Alors, bah, merci. Alors, on ne sait pas si tu parles du pastis ou si tu parles d'autre chose avec ce que tu viens de mettre. Oh oui, oui. Oh là là, dis donc, sort du contexte tout ce qu'on dit ici, c'est marrant. Bon, bah, merci, messieurs, ce fut un plaisir de vous avoir ici. Dans le Titi Twister, vous avez de reconnu même. La référence. Mais ou pas la nuit en oui, enfer. Voilà, oui. Eh bah, oui, bien sûr. Bon, ça a été, Anto, Arnaud, ça a été Très bien. Qui n'est pas très habitué à l'ambiance directement du bar. Un dépucelage en règle. Eh ouais. Merci à tous d'être venus, hein. Merci à la chatroom parce qu'ils étaient là, ils écoutaient, ils étaient sages. Ils ont foutu le feu. Ouais, oui, ils ont foutu. Ouais, si, il y avait un petit peu de monde. Si, du monde. Où est-ce qu'on... J'ai tendance à dire que par rapport à d'habitude, ils étaient nombreux. Oui, ouais. Plus que d'habitude. Ouais. Donc, merci à tous. On va faire un petit tour pour savoir où on se retrouve. D'ailleurs, Zafeux, est-ce que tu peux nous dire où on retrouve l'émission ? Je te laisse le flambeau pour la fin. Alors, donc, pour l'émission, vous allez pouvoir la voir bientôt sur le blog des Pochards du Web, qui est lespochardsduweb.podcloud.fr. Alors, comme ça se prononce, sans faute de français, donc les avec un S à Pochard aussi et du web. L'émission devrait être mise en ligne au maximum ce week-end avec la page de l'émission associée. Voilà, parce que moi j'ai pas la rapidité qu'avait des aides. Mais ça va venir, ça va venir. Voilà, et j'espère bien qu'on puisse retrouver les Pochards première semaine ou maximum, deuxième semaine de chaque mois. Oh, alors là, le rendez-vous est lancé. Exactement, attention. Je lance le rendez-vous. Un épisode par mois, on va essayer d'être un peu plus régulier. Le mieux, ça serait la première semaine ou au pire, le premier ou le deuxième week-end de chaque mois. Enfin, je sais plus, moi j'ai trop bu. Et si les gens veulent nous rejoindre, bien sûr. Hein, Si les gens veulent nous rejoindre, c'est très simple. On peut trouver les Pochards du Web sur Twitter, c'est @lespochardsduweb. Non, c'est Pochards du Web. Ah, oui, donc. Parce que les, ça rentre pas. Donc c'est @pochards du Web, je connais bien mon truc, hein. T'as vu, j'ai bien bossé. je suis en bac. Et au cas où, si vous ne retrouvez pas, vous faites @zafeux. Qui vous donnera le bon... Qui vous fera suivre ça ensuite. Et si vous tout ça pour des followers. Si vous ne trouvez pas Zafeux, vous faites #ZafeuxShow et vous trouverez aussi. Oui. Tout à fait. Oui, oui. Et d'ailleurs, on va aussi rendre un peu plus régulier le ZafeuxShow, ma pub. Oh, dis donc. Avec des séances plus courtes, mais plus... Mais plus intense. Je sais pas si ce sera plus intense, mais en tout cas, ça sera plus régulier. J'ai trop d'images en tête, là, mon Dieu. J'ai beaucoup trop d'images en tête. On va faire un tour de table aussi individuel pour savoir où on vous retrouve. Quix, où est-ce qu'on te retrouve ? Dans plein de podcasts, dans pas de podcasts, je sais pas du tout. Alors, on me retrouve principalement dans les Pochards du Web, mais sinon sur Twitter. Ouais. Donc, @Quix, Q-I-K _S. Sur mon blog, des fois, on fait des trucs.com. Et sinon, non, pas d'autres podcasts. Enfin, j'étais invité dans un podcast récemment. Ah, vas-y, fais pas encore en ligne. Chez Proxy Jeux. D'accord, très bien. Voilà. Donc, pour la rubrique Do It Yourself qui devrait être publiée dans, je ne sais pas, une ou deux semaines. Bah, tu feras un petit rappel. Pour parler de choses sans alcool. Ah, dommage. Oh. Mais je réserve l'alcool pour les couchards. Au neuf. Moi aussi, je fais que des trucs sans alcool. Ah non, en fait, non, pas du tout. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, runoff_web, et sur dudesandbeers.fr, dudes avec un S et beers avec un S. On a refait tout le site, tout ça, donc vous pouvez aller voir tout ça, c'est bien, c'est beau. Et vous, Aloli, qui est pas venu, vous, pas bien. Arnaud. Oui. Où on te retrouve ? On te retrouve dans... Alors, moins que ton frère, bien sûr, mais on te retrouve dans pas mal de choses. Quand même. Ah non, moi, on me retrouve que sur le Broclash. Et puis sur Twitter, donc le Broclash, c'est The Broclash, thebroclash.fr. Et puis sur Twitter, c'est Arnaud Doucet, ArnaudouCet. Un prochain petit épisode dans pas longtemps. Oh, il est même enregistré, j'essaie de fouetter Laurent de l'autre main pour qu'il avance plus vite. Un petit teasing, non, vous gardez secret. On est reparti dans le cinéma et il y a eu un bon concours de mauvaise foi parce qu'on est, pour le coup, on a vraiment pas le même avis sur le film. Ah, bah ça va être bon, du vrai clash. Très bien. Titours, où est-ce qu'on te retrouve À Titours, sur Twitter ou dans les boutiques de thé sur Paris. Oui. Ou les boutiques de bière, je peux témoigner aussi. Et les boutiques de vin. Maintenant, tu t'y mets aussi. Pas de podcast de prévu, Titours Oh là là, faut s'y mettre. Hein. Faudrait. Et on termine par Anto. Anto, où est-ce qu'on On peut me retrouver dans le broadcast, @brodecaste, aussi avec le 232K. Donc sur Twitter, ça va être 232K officiel, mon groupe de musique. Et sinon, dans un bar, si vous voulez, quand vous voulez, à Caen. Ah bah toujours. Évidemment. Toujours. Très bien, merci de nous avoir suivis. Zafeux, je te laisse lancer la musique de fin. Qu'est-ce que tu as choisi comme Alors, musique comme musique de fin, j'ai choisi ce que je t'ai donné tout à l'heure, dont j'ai oublié le nom. C'est un titre qui s'appelle Anisette. Mon Anisette, qui date de 1932, qui est d'une chanteuse assez célèbre de l'époque, qui s'appelle, aide-moi. André Turcy, c'est ça? De mémoire. C'est ça, hein, c'est mémoire, André Turcy. Oui. Oui. Et bah moi, elle m'a bien fait d'accord, rire. D'accord, bon, on s'écoute ça. Et juste avant de se quitter, on se dit... Vous allez pas partir comme ça sans boire un petit coup. C'est vraiment radio-lichiste, ça. Bah, fallait pas prendre un vieux pour le podcast. Il y a des gens qui cherchent le bonheur quand ils l'ont tout près de leur cœur, tout près, tout fait, et qu'on trouve en train de pleurer quand ils n'ont pu le rencontrer qu'après des faits. Il leur faut des tas de chichis afin d'épater à tout prix Paris. Surpris. Il leur faut mille sensations qui leur chavirent la raison. Opium, coco, pour eux plus rien n'est bon. Quand on veut être heureux, il n'y a que les spiritueux. L'alcool est un bienfait des dieux. Les toilettes, les bijoux, je m'en fous. La morphine qui rend fou, je m'en fous. Tous ces trucs-là me semblent bêtes quand j'ai bu mon Anisette. Les diamants, les tours de cou, je m'en fous. Je vais ficher tout ça au clou, hein. Je m'en fous. Moi, je suis heureuse et je chante comme une fauvette quand j'ai bu mon Anisette. Tiens, j'ai perdu mon mouchoir. Mais ah bah non! Pourquoi m'en faire, s'il vous plaît, à tout propos, à tout sujet, pourquoi? Tais-toi. Cette vie-là dure trop peu pour que tout ne soit pas un jeu pour moi. Je te crois. Quand je vois tourner les maisons, qu'un flic me dit « Ouste au violon !» Je réponds « Oh, c'est bon !» Le commissaire est bon enfant pour celui qui n'est pas méchant. Il eut parfois pour moi des égarements. Mais moi, je perds pas le nord. S'il me faut coucher dehors, j'en connais qui n'en sont pas morts. S'il faut me priver de tout, je m'en fous. Et roupiller n'importe où, je m'en fous. Je rigole des bobards qu'on me jette quand j'ai bu mon Anisette. Oh, moi, je vais boire n'importe où, je m'en fous. Mais après, je marche sur les genoux, je m'en fous. Et je me fous de la gueule de ceux qui se paient ma tête. Ah oui, parce que moi, j'ai un prince. J'ai un... Quand j'ai bu mon Anisette.